Souris, n'importe quel aimant, je me raccroche, elle raccroche à vous, à vos lèvres, à vos lèvres, à vos yeux, à vous si jeune, vous si jeune, j'essaie de m'oublier, un peu, j'essaie de me sauver de la vie qui nous tue, un peu plus. J'essaie de ne plus voir l'ennemi arriver. Et moi, j'essaie de ne plus voir. Entre le pauvre, l'humble, l'inconfrit, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrépide, l'intrép

Want you to quake, man, a fucking bitch. I wanna get to see you, wanna make an effect. I want you to play when you cheer up, babe. Wanna sing some free, wanna ready your decks. I make a vision fool when I see you, Bex. I want you woo when I'm in effects. I need you on a cup and a radio X. I wanna chuck chuck, big I don't want is a Rex. I wanna A, so B, so B, just. Must be the C, of B, just. We set a B, of B, just. We're mega B's. I'll make feet so petty wakes. Did I wanna be, wanna send them them X. I wanna do, wanna fucking any winner's decks. I wanna take, you wanna debate her fix. I just wanna be a run made in space. You wanna cheat me like fix, I'm a meme like fix. Wanna cheat so, you know, X, so we can fix. There's a rain on face, I wanna cheat on the legs. Who's fantasy, should I be just with side of me? So be just, oh, it's fantasy, won't be just with your fantasy. I'll be just, oh, it's fantasy. I'm making peace of peace, please. Fantasy of peace, sweet of mercy of peace. One thing to say, I'm playing the max. I'm gonna pick an energy, you wanna beat a wig. When it's cheese by being a Ray-Ban bag, so when I'm breaking my feet with the rubber, it's not the green one, so red eye when it's going to the rain, my food with the spinning toe, and let it make me chill when it's spinning low. It's red eye, but I'm just gonna break it, it's going to me. Be just wait for this beat of vision. Oh, fantasy of vision. We won't be.